La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Il s'agit de la plus grande expérience scientifique jamais réalisée. Elle concerne le monde de la physique et la compréhension de l'univers. Et elle a permis en 2012 la découverte du désormais célèbre boson de Higgs. Le LHC, le grand collisionneur de particules du CERN, est une aventure scientifique qui se trouve donc enfouie à 100 mètres de profondeur sous la frontière franco-suisse. Et aujourd'hui, cette machine de 27 km de circonférence est à l'arrêt pour 2 ans dans le but d'améliorer encore ses performances. Et concernant le futur, les physiciens se mettent déjà à rêver à un accélérateur colossal de 100 km. Bruno Manzoulier est justement physicien des particules. Il sera mon invité dans un instant pour une tête au carré qui va donc nous emmener dans les profondeurs de l'infiniment petit. Il répondra également à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, Héloïse, à la une de la science, le surprenant voyage aller-retour d'une roche terrestre sur la Lune. Et oui Mathieu, une analyse de roches lunaires arrivées sur Terre dans les bagages des astronautes de la mission Apollo 14 a révélé que cette roche serait en fait d'origine terrestre. On va voir comment c'est possible. Et ça nous intrigue. Chantal de Montagny a préparé cette émission réalisée par Fanny Boyon. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Et nous allons donc accélérer les particules avec vous, Bruno Manzoulier, dans cette tête au carré. Bonjour. Bonjour Mathieu Vidard. Bienvenue à vous. Le LHC, le grand accélérateur du CERN, est donc au repos pour une durée de 2 ans, pour une montée en puissance, c'est ça le but de cette opération? Donc il n'y a pas d'incident particulier? Non, il n'y a pas d'accident. Au contraire, il a très très bien fonctionné les 2 dernières années. Mmh. Il s'arrête pour une amélioration à moyen terme même, puisqu'on va préparer une amélioration future, il va refonctionner, et cet arrêt va servir à mettre en place tous les éléments de l'amélioration, disons, finale de la vie de cet grand accélérateur. C'est vraiment en plusieurs étapes, pour le coup. C'est en plusieurs étapes. Ouais, mais tout était prévu, évidemment, à l'avance, dont les arrêts également du LHC. À quoi est dédiée cette machine? On va raconter, évidemment, son histoire dans un instant, et puis évidemment, l'objet de sa construction. Mais à quoi c'est dédié, finalement? Mais comme tous les grands accélérateurs, c'est dédié à étudier la structure de la matière à des échelles très petites de distance, essentiellement. Donc, quand on essaie de comprendre de quoi sont faites les particules et quelles sont les forces qui sont en présence quand on regarde les échelles des composants les plus élémentaires qu'on connaît. Alors, bien entendu, c'est relié à l'exploration de l'histoire de l'univers, parce que quand l'univers était très, très, très proche du Big Bang, extrêmement proche du Big Bang... C'est-à-dire, dites-nous encore... Ça, des milliardièmes de secondes du Big Bang... Ça. Les distances étaient aussi très très petites et des énergies très très élevées. Et donc en accélérant des particules à des énergies très très élevées, en quelque sorte on se met un peu, et très localement dans les conditions juste après le Big Bang. Donc on étudie à la fois des distances très très courtes, des énergies très élevées ou des temps très courts après le Big Bang. Ouais. C'est presque mettre le Big Bang en laboratoire alors? On essaie, d'étudier la matière en laboratoire, c'est-à-dire une autre façon, c'est de regarder l'univers. On reparlera peut-être des problèmes de matière noire et d'énergie noire qui nous sont arrivés de l'étude de l'univers en l'observant. Ouais. Malheureusement, on n'a qu'un univers sous la main. Donc on peut pas faire des expériences sur l'univers, on peut observer, essayer d'interpréter. Nous, notre rôle, c'est d'essayer en laboratoire de recréer des conditions qu'on peut recréer tant qu'on veut. Est-ce qu'il est exact de parler de la plus grande expérience scientifique jamais réalisée avec le LHC? Je pense que c'est certainement une des plus grandes, je pense aux grands télescopes qui sont aussi très grands, grands en taille. 27 km, oui, c'est effectivement certes, très très... Certes, mais non, c'est il y a par exemple l'observatoire Auger qui regarde des rayons cosmiques qui est plus grand en surface. Mm-hmm. Donc tout dépend de quel point de vue on se place. De quelle grandeur. Bon, en tout cas, c'est la grandeur de la physique, là, pour le coup, parce que évidemment dans ces échelles et dans l'objet des travaux, c'est assez impressionnant. Et depuis l'annonce de la découverte du boson de Higgs, donc en 2012, qu'est-ce qui s'est passé dans les entrailles du LHC, finalement? Parce que on s'en souvient bien de l'annonce du boson. Oui. Et ensuite? Ensuite, on a fait beaucoup de bosons de Higgs et on les a très très bien étudiés. Vous avez fabriqué, vous voulez dire ? Fabriqué. Il y en a quelques-uns qui sont créés dans les très très nombreuses collisions à haute énergie des protons qui tournent dans les deux anneaux du LHC. On crée des collisions, de temps en temps, ça crée un boson de Higgs et nous on essaie, les expérimentateurs, de les détecter et de les séparer surtout de toutes les autres collisions qui arrivent au point d'interaction. Donc on en a créé beaucoup d'autres et on a pu mesurer ses propriétés. Donc maintenant son existence, enfin l'existence d'une particule qui ressemble au boson de Higgs tel que prédit par la théorie... Ça fait plus aucun doute. Ça fait plus aucun heureusement, doute. Heureusement, parce qu'il y a eu un Nobel qui a été décerné quand même. Voilà. Ça ne manquerait plus que ça. Mais on mesure ses propriétés avec de plus en plus de précision. Mmh. Et alors, pour le meilleur et pour le pire, on les a trouvés... parfaitement compatible avec les prédictions théoriques. Bon, bah, vous allez rentrer dans les détails tout à l'heure pour nous expliquer le meilleur ou le pire, évidemment. Exactement. Et puis, on va également évoquer cet accélérateur qui est dans les cartons de 100 km de circonférence. Oui. Donc, on élargit encore le champ et on verra à quoi ça pourrait servir, justement, pour quel type de détection. Bruno Mansoulier, vous êtes notre invité cet après-midi et vous allez répondre en plus aux questions des auditeurs. On va vous faire bosser. Ils nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. À tout de suite. Apollo 14, donc, où en est-on maintenant ? La brouette lunaire est, semble-t-il, déjà défaite et elle se trouve sur la gauche de votre image. Les deux astronautes se déplacent pour trouver l'emplacement le meilleur possible pour l'installation de l'ALCEP, c'est-à-dire ce laboratoire lunaire. Shepard traîne la brouette derrière lui. Nous avons deux roches qui ont la taille d'un ballon de football. Et puis alors, des petites roches qui forment un bon échantillon. Voilà, ça on a beaucoup aimé la brouette lunaire, évidemment, extrait d'une édition spéciale de la télévision française. C'était le 5 février 71, en pleine mission Apollon 14. Héloïse, pour parler en fait d'une découverte beaucoup plus récente. Hein. Oui Mathieu, comme on peut l'entendre dans l'extrait, les scientifiques de la mission Apollo 14 ne sont pas revenus les mains vides de leur exploration lunaire. Ils ont prélevé des échantillons de roches dans une brouette, donc on l'apprend. Et ils les ont rapportés sur Terre pour les analyser. Une étude parue fin janvier dans la revue Earth and Planetary Science Letters nous révèle que 48 ans après, elles ont encore des secrets à livrer. Nous sommes au téléphone pour en parler avec Alessandro Morbidelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Alors dites-nous, pourquoi il a fallu 50 ans pour savoir ce que contenaient les échantillons lunaires apportés par Apollo 14 ? Ça fait quand même pas mal de temps. Oui, bien sûr. Mais au départ, il y avait beaucoup d'échantillons analysés. Et on a fait une analyse globale de ces échantillons. Aujourd'hui, on n'a plus de nouveaux échantillons parce que les missions lunaires se sont terminées. Et donc, on revient à analyser les mêmes échantillons avec plus des détails, avec des meilleures machines, avec des outils plus performants. Et donc, on continue à découvrir des propriétés qui étaient passées inaperçues auparavant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ces échantillons et comment ils ont distingué la roche terrestre de la roche lunaire, en fait ? Oui, voilà. Donc, ils ont trouvé dans la roche lunaire une petite inclusion, c'est-à-dire un petit fragment de roche, 1 centimètre de taille, encastré, enfoui dans la roche mère. Et cette inclusion un peu bizarre, donc, elle s'est formée dans des conditions oxydantes. Donc, il y avait pas mal d'oxygène quand cette roche s'est formée. Or, l'abondance d'oxygène est caractéristique de la Terre, parce que sur Terre, il y a beaucoup d'eau, mais pas du tout de la Lune. Et en plus, les conditions de température et de pression qu'on peut déterminer sont aussi tout à fait normales pour la Lune et tout à fait normales pour la Terre. Donc les auteurs ont proposé qu'en fait, cette inclusion est rien d'autre qu'une météorite terrestre, donc un caillou terrestre, qui a été extrait de la Terre quand la Terre a été bombardée par un projectile, un astéroïde. Et cette météorite, ce caillou terrestre est tombé sur la Lune, où il s'est mélangé aux autres matériaux lunaires, et ensuite, suite encore du bombardement, cette fois tombé sur la Lune, a été broyé, mélangé, transformé avec les restes des roches lunaires pour donner origine à l'échantillon tel que nous l'avons aujourd'hui. Alessandro Morbidelli, la distance Terre-Lune, c'est 350 000 km, un petit peu plus, enfin, ça dépend évidemment. Comment cette roche a pu parcourir toute cette distance ? On sait que quand les planètes sont percutées par des astéroïdes, il y a des fragments, des roches, de la cible qui sont envoyés dans l'espace. C'est tout à fait normal. Nous recevons sur Terre des météorites martiennes, donc des cailloux qui sont éjectés depuis Mars. et au bout de quelques millions d'années de voyage, tombe par pur hasard sur la Terre. Nous recevons des cailloux lunaires qui tombent sur Terre, et pareillement, quand la Terre est bombardée par un gros objet, il y a des cailloux qui partent dans l'espace, et même au bout de beaucoup d'orbites, donc parfois même des millions d'années, ces cailloux peuvent tomber sur la Lune. Et on sait en plus que cette roche, elle vient pas vraiment de la surface terrestre. Hein. L'astéroïde, elle est la chercher en profondeur, c'est ça ? Oui, vu les conditions de pression et température à laquelle elle s'est formée, cette roche devait être à 20 km de profondeur dans les manteaux, dans la croûte terrestre. Mais un astéroïde, disons, d'un kilomètre ou quelques kilomètres de taille, peut bien extraire du matériel à partir de ces profondeurs. Il faut savoir que on parle ici d'une roche très ancienne qui s'est formée il y a 4 milliards 100 millions d'années. Et à cette époque-là, les planètes étaient bombardées par beaucoup d'objets, beaucoup, beaucoup plus fréquemment qu'aujourd'hui. Donc avoir des gros impacts sur Terre capables d'éjecter cette matière est tout à fait raisonnable pour cette époque. Et la distance Terre-Lune était la même à l'époque ou pas ? Était un peu moindre. La Lune s'éloigne de la Terre à cause des forces des marées. Actuellement, elle s'éloigne d'environ 1 cm par an. Actuellement, la Lune se trouve à 60 rayons terrestres, 60 fois la taille du rayon terrestre. À l'époque, la Lune était vraisemblablement autour de 45 rayons terrestres. Il y a pas mal d'incertitudes parce que les paramètres des marées, donc qui régissent la vitesse des migrations de la Lune, ne sont pas très bien connues, surtout à cette époque primitive, quand la Terre était quand même assez différente de la Terre d'aujourd'hui. Et vous nous dites que la roche, elle a 4 milliards 100 millions d'années. On n'a pas sur Terre des roches aussi vieilles ? Non, et c'est ça l'intéressant, parce que les plus anciennes roches terrestres ont 3 milliards 800 millions d'années. Il n'y a pas des roches qui ont résisté à toute l'évolution terrestre caractérisée par la tectonique des plaques. Les plus anciennes roches terrestres ont été détruites par la tectonique des plaques. Et donc, si on veut trouver vraiment des vieilles roches terrestres, la Terre a 4 milliards 500 millions d'années, donc il nous manque 700 millions d'années d'histoire terrestre dans la géologie. Si on veut trouver les plus anciennes roches terrestres, c'est bien sur la Lune qu'il faut aller les chercher. Et ça veut dire que si on retourne sur la Lune, on risque peut-être de trouver de nouvelles roches. Ça pourrait nous aider scientifiquement à comprendre de nouvelles choses ? Absolument, ça pourrait nous renseigner sur l'évolution de la Terre dans les premiers 700 millions d'années. Par exemple, connaître sa température, s'il y avait ou pas de l'eau liquide, la composition de son atmosphère, l'expansion des masses continentales, et pourquoi pas peut-être trouver des traces de formes de vie primitives. Parce qu'on ne sait pas quand la vie s'est formée sur Terre, vu que les roches les plus anciennes n'ont que 3 milliards 800 millions d'années. On sait que depuis les débuts, sur les plus anciennes roches, il y a des traces du vivant. Mais il serait donc très intéressant de trouver des roches plus anciennes pour voir si on peut voir des traces du vivant à 4 milliards 400 millions d'années. Ah, ce serait génial, Alessandro Morbidelli, vous rendez compte, trouver de la vie primitive terrestre sur la Lune, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Tout à fait, c'est un des enjeux de la future exploration lunaire, aussi bien l'Agence spatiale européenne que la NASA, que l'Agence spatiale chinoise ont des projets de revenir sur la Lune. Aujourd'hui, on connaît beaucoup plus des choses sur la Lune que en 1969, donc on sait faire un véritable programme de recherche lunaire et la recherche d'anciennes roches terrestres fait partie du programme. Et l'avantage, c'est que ça n'est pas si loin par rapport aux autres objets, hein, évidemment, dans notre système solaire. Merci Alessandro Morbidelli pour toutes ces précisions et cette drôle d'histoire de roches terrestres retrouvées donc sur la Lune. Merci Louise. À demain. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, elles sont écologiques et ludiques, mais les trottinettes électriques sont aussi dangereuses. Ce nouveau mode de mobilité qui a conquis les grandes métropoles mondiales pose des problèmes de sécurité en dépassant quelquefois les 30 km/h. Pour la première fois, une étude publiée dans le journal JAMA, s'est intéressée aux conséquences des accidents de trottinettes survenus aux États-Unis depuis 2017 et les blessures les plus courantes étaient les blessures à la tête suivies des fractures et des lésions des tissus mous. Les auteurs soulignent que seuls 4% des personnes qui se sont présentées aux urgences portaient un casque. Des scientifiques ont découvert qu'une gigantesque cavité de plus de 300 mètres de hauteur se développait sous un des plus vastes glaciers d'Antarctique, le glacier de Thwaites. L'étude menée par la NASA vient d'être publiée dans la revue Science Advances. L'eau de mer pénètre dans cette cavité et fait fondre la glace à un rythme accéléré. Selon les auteurs, l'équivalent de 14 milliards de tonnes de glace ont disparu en seulement 3 ans. Le glacier de Thwaites est l'un des plus étudiés par les scientifiques qui redoutent son effondrement au cours du siècle. Et puis grâce à la sonde Cassini, on connaît enfin la durée d'une journée sur Saturne, qui restait encore aujourd'hui un peu incertaine. Alors que déterminer la période de rotation complexe sur son axe d'une planète comme la Terre est facile, eh bien c'est beaucoup plus difficile dans le cas d'une planète gazeuse comme Saturne. En passant au plus près des anneaux, la sonde a pu suivre les mouvements internes de la planète et les scientifiques donc de l'Université de Californie ont alors pu effectuer un calcul précis. Attention mesdames et messieurs, une journée sur Saturne ne dure que 10h, 33 minutes et 38 secondes. Allez, dans un instant, on va accélérer les particules avec mon invité. Burns avec Crazy Ones à l'instant. La tête au carré sur France Inter. D'habitude, les physiciens sont des gens décontractés. Mais depuis quelques jours, la tension monte. Car demain, quand ce bouton sera poussé, débutera la plus grande expérience de physique jamais tentée. À la frontière franco-suisse, 5000 chercheurs sont au chevet du LHC. Un gigantesque anneau de 27 km creusé à 100 mètres sous terre. Dans ces tunnels sans fin, des aimants géants refroidis à moins de 171 degrés et des capteurs immenses, cathédrales ultra complexes de cuivre et d'acier. L'un d'eux pèse près de 11 000 tonnes. Le tout pour 4 milliards d'euros, c'est le prix à payer pour sonder les plus intimes secrets de notre univers. Dans l'anneau, les chercheurs vont accélérer des protons à la vitesse de la lumière pour ensuite les faire se percuter. Certaines de ces collisions créeront de nouvelles particules et parmi elles, le Graal des physiciens, le fameux boson de Higgs. Autrement dit, on remonte aux premiers instants de l'univers. Et cela, ça fait peur. Une association américaine craint la formation d'un trou noir qui engloutirait la Terre et ses habitants. Voilà, ça c'est ce qu'on racontait en 2008, cet extrait du journal de France Bleu, du journal de 20h. Bruno Mansoulier, vous êtes chercheur au département de physique des particules, directeur de recherche au CEA IRFU, c'est l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Vous avez également publié toute la physique ou presque en 15 équations aux éditions Flammarion, on en avait parlé ensemble à ce micro. Vous étiez où, vous, en 2008, là, à ce moment-là? Vous y étiez, évidemment, au CERN. J'y étais, oui. À Genève. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent, alors, au moment du démarrage d'un tel appareil? Une intense émotion, puis beaucoup d'excitation, parce que ça faisait 20 ans que je préparais activement l'expérience, une des expériences, avec beaucoup d'autres collègues. Donc bien sûr que les premiers tours d'accélérateur des particules, c'est un moment fantastique. Ouais. Vous avez eu de la chance, parce que c'est bien tombé dans votre chronologie de chercheur, finalement. J'ai eu beaucoup de chance dans ma chronologie de chercheur, parce que j'ai eu j'ai participé à des expériences sur trois accélérateurs successifs. Ouais. Premier au CERN, le collisionneur de protons-antiprotons. Mm-hmm. Puis un autre à Chicago, Fermilab, encore des protons-antiprotons, avec une nouvelle découverte d'ailleurs. Et puis enfin le LHC au CERN. Ouais. Donc oui, j'ai eu beaucoup de chance. Ça va être plus compliqué pour le prochain, s'il est construit, celui qui fera 100 km de circonférence. On reparlera de son calendrier, effectivement. Oui, l'échéance est beaucoup plus lointaine, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé quelques jours après, justement, le démarrage du LHC? Il faut d'abord dire que le démarrage a eu lieu en fanfare. Les ingénieurs du CERN ont donc fait effectuer aux protons leur premier tour d'anneau. L'anneau fait 27 km. Donc sous la frontière franco-suisse. Sous la frontière franco-suisse, à 100 mètres de profondeur. Et donc, quand on fait ça, donc tout est prêt, mais aucune particule n'a parcouru le cercle complet avant le jour J de l'inauguration. Donc ils l'ont fait faire par octant, c'est-à-dire par huitième de circonférence, et à chaque fois ça s'est passé comme dans les livres. Ouais. Donc on peut voir, on peut matérialiser la trajectoire de ces particules, et on la voyait se compléter, le cercle se compléter absolument comme dans les livres. C'était euphorisant. Ouais. Donc il y avait une certaine... euphorie. C'est un bonheur qui s'emparait des physiciens. Voilà, donc on était parti sur les chapeaux des roues pour de l'expérimentation à tout va. Et là, patatras. 10 jours après, il y a le drame. Un genre de court-circuit qui a détruit physiquement une bonne longueur d'accélérateur et qui nous a arrêtés pour 2 ans. Oui, ça c'est quand même dur parce que évidemment ce sont des années de travail et une interruption aussi rapide, ça doit être ultra frustrant quand même. Au début, c'est très frustrant, mais on a vite réagi en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces 2 ans d'utile, nous, côté expérimentateur. Et en fait, faut avouer qu'on n'était pas tout à fait prêt, comme toujours. Ouais. Et donc, on a complété les expériences, on les a rendues plus fiables, plus efficaces, ce qui fait que quand l'accélérateur a redémarré, on a démarré beaucoup plus vite. Ouais. Que ça n'aurait été au début, donc on n'a pas vraiment perdu notre temps. On entendait dans ce son d'actualité l'évocation de la peur des trous noirs, et alors vous leviez les yeux au ciel en disant « Mon Dieu, mais c'est pas possible !» C'est vrai qu'on en a... encore commenter là-dessus. Eh bien, on a une question d'auditeur aussi, c'est Patrice qui nous dit « Certains scientifiques prudents pensent que les accélérateurs de particules pourraient provoquer un trou noir incontrôlable. Comment cette incertitude est-elle prise en compte ?» Elle est prise en compte. C'est vrai ? Alors, du point de vue théorique, en fait, les gens qui ont raconté ça, on parle de création de trous noirs à LHC. C'est des micro-trous noirs. C'est une extrapolation théorique, fait partie des nombreuses théories au-delà du modèle standard, qu'il y aurait des dimensions supplémentaires à l'espace, qui occasionneraient des créations de trous noirs. On en serait très très content. Ce que dit aussi cette théorie, c'est que ces trous noirs vont se désintégrer, comme toutes les particules de ces masses-là, extrêmement rapidement, et ils feront rien que quelques particules dans nos détecteurs. Mais on pourrait les observer quand même, ces mini trous noirs. On espérerait bien. Parce que ça, ce serait extraordinaire. Ça serait fantastique. Ouais. Donc voilà, pour le danger, donc les gens qui ont mis ça en avant comme un danger ont fait exprès d'oublier la deuxième page qui dit qu'ils vont se désintégrer et qu'il n'y a aucun risque. Volontairement, pour se mettre en avant, j'imagine. Donc tout le monde a finalement retenu que la première partie. Voilà. Ouais. Ce qui a fait une pub géniale quand même au LHC, non? C'est une pub dangereuse. Parce oui, que c'est jamais... C'est pas bien de faire peur aux gens quand il n'y a pas de raison. Ceci dit, on fait quand même un calcul très simple qui consiste à dire dans les rayons cosmiques qu'on mesure justement dans les très très grands observatoires, par exemple comme l'observatoire Auger, on peut mesurer des particules cosmiques à des énergies telles que leur collision sur les noyaux contenus dans la Terre dépasse l'énergie du LHC. On observe des rayons cosmiques qui sont assez énergétiques pour ça. Donc c'est quelque chose au courant ? C'est assez rare, hein, il y en a très peu. Mais avec des très très grands observatoires, on arrive à mesurer ça. Donc on sait que ces rayons cosmiques existent, et on connaît leur nombre. Et donc on peut calculer que s'il y avait un problème, ouais, eh ben ces collisions auraient eu lieu naturellement et auraient déjà fait disparaître la Terre. Depuis bien longtemps. Mmh. À chaque fois, on refait ce calcul avec tous les raffinements qu'il faut pour se convaincre quand même qu'il n'y a absolument aucun risque. Et ce calcul avait été fait pour le LHC. Ouais. Donc là, bon, évidemment, on a été rassurés parce que les physiciens se sont beaucoup exprimés, hein, sur cette sorte de peur collective qu'il y a eu autour des trous noirs. Bon, voilà. Cependant, vous nous dites que d'un point de vue expérimental, scientifique, ce serait très intéressant de pouvoir en observer. Ça, c'est quelque chose qui pourrait aussi, à l'égal du boson de Higgs, représenter une étape très importante pour le monde de la physique. Observer un mini trou noir en formation, par exemple. Ça, c'est une étape extraordinairement importante, puisque bon, aujourd'hui, donc le boson de Higgs, c'est à peu près connu, a complété ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. C'est-à-dire qu'au niveau des particules élémentaires, de tout ce qu'on peut observer en laboratoire et aux échelles petites, on a une théorie qui est à peu près complète. Elle a quelques problèmes internes, mais disons, phénoménologiquement, elle est à peu près complète. Les grands problèmes de la physique, ils sont plutôt dans l'observation de l'univers avec la matière noire, l'énergie noire, ce qui sont des problèmes pas compris du tout. Et donc, on est obligé d'élaborer des théories pour compléter le modèle standard qui expliquerait la matière noire ou l'énergie noire ou les deux. Et parmi ces théories, il y a l'hypothèse que l'espace aurait plus de 3 dimensions. Notre espace, à nous, il y a 3 dimensions, en gros, la largeur, la longueur et la hauteur. Mais il y a des théories qui font l'hypothèse qu'il y aurait plus de dimensions. Et à ce moment-là, il y a des choses comme la gravitation deviendrait une force forte, alors qu'elle est très faible pour ce qui nous environne. Elle deviendrait très forte à des énergies peut-être accessible par un accélérateur de particules. Si elle devient forte, ça crée des micro-trous noirs, comme ceux dont on vient de parler. Ils se désintègrent. On a quelques vagues idées sur leur signature, c'est-à-dire le type et le nombre de particules dans lesquelles ils se désintégreraient. Et donc, nos détecteurs sont capables de détecter ça. On adorerait voir un événement comme ça. Ça n'a pas été vu encore ? Ah, ça n'a pas été vu, non. Non, parce que ça pourrait être vu, mais pas encore publié, mais ça n'est pas le cas. Ah, je ne le dirai pas. C'est pour ça que je vous pose la question, Bruno Mansoulier. Bon, en tout cas, ça fait partie, pourquoi pas, des choses très intéressantes à venir, et peut-être que ce grand accélérateur de 100 km pourrait aussi ajouter sa pierre à l'édifice dans... Alors avant ça, on a quand même toute la durée de vie du LHC lui-même, ouais. Après les améliorations qui sont l'objet de la fermeture actuelle, on va augmenter les intensités de collision, c'est-à-dire le nombre de collisions par seconde, et puis le nombre total de collisions après des années d'opération encore pour le LHC, et on espère bien quand même avoir au moins une fenêtre de découverte pendant ça. Et puis après, peut-être, ce grand accélérateur futur qui n'est qu'un projet sur le papier. Oui, c'est ça. Certains en doutent même, aujourd'hui encore, mais on en reparlera. Et puis d'autres questions pour vous, des auditeurs qui nous rejoignent en ce moment même sur franceinter.fr. Regarde ces apparts qui s'illuminent, combien de ces familles se font du mal. Regarde le petit con du square, il repousse le plus possible la fin du match. C'était au-delà de mes limites, les cris de mes parents et le son du casque. Repêché par la musique, le modèle familial au fond du lac. Est-ce que nos mères ont le salaire qu'elles méritent? Est-ce qu'on est les gosses qu'elles rêvaient d'avoir? Quelle vie de devoir laver les vitres, de ramener du linge neuf au parloir. Très tôt elle côtoyait les flics, sur toi et ton frère elle a élevé la voix. Plein de fois elle nous a vu rentrer Yves, t'étais trop bourré, tu l'appelais papa. Ma mère c'est la même et je l'ai trop fait saigner. Trop peu aidé, j'étais jamais là. Je préférais la cité, les microbes de la favela. Tester ce que j'avais dans le ventre, avec des mecs qui avaient plus rien à perdre. Certes je n'ai pas de leur monde, mais qu'est-ce que j'aurais fait pour un salaire. Y'a tout qui se mélange dans ma tête et mon corps. L'amour, la haine, mes raisons et mes torts. Mes joies et mes peines. Fini l'époque où j'étais plus jeune et je courais dehors. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirai le soir. À 19 ans, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirai le soir. J'étais dans le froid sans savoir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. Qu'est-ce qu'on va faire de nos sacs manqués? Eh les gars, je suis désolé pour toutes les fois où je me suis absenté. Ouais c'est ça, j'ai pensé à vous mais j'ai pas rappelé. M'en voulais pas, entre le bien et le mal j'ai me balancé. Et en dessous y'a le vide, le tribunal. On sait bien que nos valeurs sont discutables. J'ai vite lâché les cours, les diplômes c'était pas pour moi. Les études c'était pas pour moi et je serai jamais leur allié comme Saruman. Je préférais le rap et découvrir l'amour. Je voulais New York, c'est Playground et ses tours. J'ai eu le TGV et les allers-retours. Parents divorcés, du sang sur mon parcours. Y'a tout qui se mélange dans ma tête et mon corps. L'amour, la haine, mes raisons et mes torts. Mes joies et mes peines. Fini l'époque où j'étais plus jeune et je courais dehors. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. À 19 ans, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirais le soir. J'étais dans le froid sans savoir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. J'étais dans le froid sans savoir où je dormirai le soir. J'étais dans le froid sans savoir. Des rêves plein la tête, je pensais contrôler le monde et l'homme dans mon miroir. Miroir, c'était Giorgio à l'instant. As-tu déjà entendu parler du boson de Higgs? Évidemment. Je regarde les informations à la télé. C'est un boson mondialement célèbre. Oui, bien essayé. En 1964, le docteur Peter Higgs, un chercheur indépendant et physicien de renom, a écrit un brillant article où il fait état de l'existence d'une particule subatomique appelée le boson. Chose incroyable, au départ, l'article a été rejeté. Mais son boson a été récemment mis en évidence. Et maintenant, il est bien parti pour gagner un prix Nobel. Oui, grosso modo, c'est ce que j'ai dit. La tête au carré. Voilà la série Big Bang Theory qu'apprécient, j'imagine, beaucoup les physiciens, Bruno Mansoulier. Oui, bien sûr. Voilà, pour parler. Parce qu'on peut reconnaître ce qui est écrit sur les tableaux. Donc c'est ça. Il y a une bonne exactitude quand même. Vous êtes chercheur au département de physique des particules. Qu'est-ce qu'on cherche exactement, justement, dans ce département? Alors, ça consiste en quoi, la physique des particules? Ça consiste à essayer... Bon, c'est la préoccupation... Très banal et très habituel d'essayer de comprendre les briques élémentaires de la matière et comment elles s'arrangent entre elles pour fabriquer la matière qui nous entoure. Ouais. Et ou qui nous entoure loin dans l'univers. Ouais. Et le boson, c'était la pièce manquante dans tout ce puzzle? Oui, c'était vraiment la pièce manquante parce qu'on avait compris dans le modèle standard, on avait compris beaucoup des forces nucléaires, enfin des forces qui s'arrangent entre les particules, les constituants des particules. Ça s'est fait assez lentement, ça a été élaboré par des expériences, des avancées théoriques. Et effectivement, il y a un mécanisme très particulier, théorique, qui s'appelle le mécanisme de Brout-Engler-Higgs, voilà, qui est ce qui va faire que les particules acquièrent une masse. Il s'agit de la masse inertielle, c'est pas lié à la gravitation, c'est la masse qui fait que, quand on essaie de leur communiquer un mouvement, elles résistent. C'est l'inertie. Pourquoi les particules ont une inertie? C'est pas du tout évident. C'est presque une question ontologique. C'est pourquoi il y a une particule ici plutôt que rien? Pourquoi il y a une concentration d'énergie qui fait que si j'essaie de pousser, ça résiste? Et finalement, ça définit une particule. Et dans le modèle standard, c'est la présence d'un champ particulier qui s'appelle le champ de Higgs, Brout-Engler-Higgs en fait, qui communique leur masse aux particules. Donc c'est absolument crucial pour la compréhension de la structure de la matière. Ouais. D'ailleurs, on l'appelle maintenant le boson de Brout-Engler-Higgs, hein, pour être tout à fait exact. Même Higgs, le Higgs, c'est ça? Entre nous, on dit le Higgs. Oui. Je crois que la terminologie officielle, c'est le boson de Higgs. Et le mécanisme théorique qui est derrière, c'est le mécanisme de Brout-Engler-Higgs, qui sont effectivement les trois découvreurs enfin les trois auteurs de la des deux publications qui ont fait la célébrité voilà. du boson. Le BEH, le boson BEH, voilà, ou le Higgs entre confrères. Paul nous demande pourquoi cet accélérateur de particules est installé en milieu souterrain. Ça, c'est vrai, pourquoi on l'a mis sous la frontière franco-suisse alors? Ça a plusieurs intérêts. D'abord, on n'a pas besoin d'avoir une grande plaine toute plate, puisqu'on peut faire le tunnel comme on veut. Hein. Pourquoi c'est à la frontière franco-suisse? Ça, je pense, c'est plus l'historique du CERN lui-même, qui est un endroit assez miraculeux, créé en 1954 par un traité international. Donc ça, c'est toute une histoire qui est très belle, d'ailleurs, puisque après la guerre, donc toute la physique nucléaire avait été développée pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec la conséquence qu'on connaît, hein, qui sont les bombes atomiques jetées sur le Japon. Et donc, il s'est agi de rendre cette physique corpusculaire civile, de la rendre aux scientifiques, dans un climat de guerre froide, intense. Et donc, des esprits très éclairés ont pensé que le mettre une frontière franco-suisse serait une bonne idée. Donc ça, c'est pour la création du CERN. Et ce miracle persiste. Quand on est au CERN, on entend toutes les langues, toutes les nationalités travaillent ensemble. Il y a combien de physiciens présents là-bas? Alors, il y a à peu près 2000 personnels permanents de mémoire. Moi, je ne suis pas employé par le CERN, je suis employé par le CEA, mais je suis basé au CERN. Donc, il y a à peu près 2000 employés permanents. Mais il y a surtout beaucoup de visiteurs, c'est-à-dire des physiciens comme moi viennent de tous les laboratoires du monde pour collaborer dans les grandes expériences ou des petites expériences au CERN. Ouais. Donc, c'est un endroit absolument magique. Mais pour répondre à la question de Paul tout à l'heure, il aurait pu être construit à l'extérieur, cet accélérateur de particules, sans aucun problème. À condition de trouver une grande plaine plate. Oui. C'était le cas du précédent accélérateur des États-Unis, qui était près de Chicago, dans le Midwest. Il était construit en surface. Donc on aurait pu le faire aussi. On aurait pu le faire en surface. Mmh. Alors il se trouve, en plus, qu'à cet endroit-là, il y a une... Ça, c'est un hasard favorable, il y a une couche géologique de molasse du Jura. Je suis pas du tout géologue, je connais rien, sauf ça, cette particularité-là à cause de l'accélérateur. La molasse du Jura. Du Jura, qui est à la fois stable, dure, mais pas trop, donc on peut faire des tunnels très bien, très propres et très stables dedans. Ouais. Donc le lâcher, il est dedans. Ouais. Il faut imaginer comme ça comme des cathédrales au fond. Hein. C'est absolument vertigineux quand on a la chance. Et on avait pu se déplacer d'ailleurs au moment de la mise en service en 2008, donc avec l'équipe de la Tête au Carré. Donc on avait pu pénétrer vraiment en profondeur, prendre ces escaliers avec détection par l'iris. Enfin, il y a vraiment tout un univers presque de science-fiction. Et puis on arrive dans ces quatre expériences. Et quand on dit expérience, ce sont des cathédrales réellement. Hein. Oui, alors expérience est en fait un mauvais terme, parce que tout le monde pense qu'une expérience, c'est comme quand on mélange un liquide bleu et un liquide rouge, et on voit si c'est ou marron ou vert. C'est pas ça. Une expérience chez nous, c'est un observatoire de collision. Je préfère employer ce terme, puisque l'accélérateur va fournir des collisions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quand il marche. Et nous, on va, avec un détecteur, regarder ce qui sort de ces collisions, les enregistrer, les trier, les analyser. Donc c'est un observatoire de collisions. Alors chacun de ces grands détecteurs est effectivement une cathédrale. Donc l'accélérateur lui-même, c'est un tunnel, pas très grand. Où s'entrechoquent les particules, donc c'est ça Elles circulent dans les tunnels. Et au point, il y a deux anneaux où les protons circulent dans un sens et dans l'autre. Et on les fait se croiser, on se les fait se rencontrer en des points bien particuliers où on a installé nos observatoires de collision. C'est ça. Et là, c'est vraiment la cathédrale, puisque l'expérience sur laquelle je suis collaborateur, ça fait 30 mètres de diamètre sur 45 mètres de long. C'est-à-dire, c'est vraiment la dimension d'une cathédrale. Le nom de cette expérience? Atlas. Atlas, voilà. Il y en a quatre, hein, c'est ça, autour de... Il y en a quatre, dont deux très grandes, Atlas et CMS. Alors, Bernard demande le LHC, justement, cet accélérateur de découverte comme le boson. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de construire un accélérateur linéaire utilisant des électrons pour caractériser les particules plus précisément? Je vois que Bernard est un professionnel ou un amateur éclairé. Ouais. C'est une des options. C'est une des options. Donc maintenant, la question, c'est... Quel nouvel accélérateur fait-on pour dépasser le modèle standard? Essentiellement, c'est ça le but maintenant. On a à peu près conclu on peut toujours augmenter la précision, mais les grosses caractéristiques, on les a. Et il faut comprendre maintenant qu'est-ce qu'il y a au-delà du modèle standard, d'où vient la matière noire. Est-ce qu'on peut avoir en laboratoire des pistes pour dépasser cette théorie? Et donc, effectivement, mieux caractériser le boson de Higgs, c'est très, très important. Et un collisionneur à électrons et à positrons ferait ça très, très bien. Donc là, il y a deux options où on refait un accélérateur circulaire, ouais, plus grand, ou il y a effectivement une option qui consiste à avoir deux accélérateurs linéaires, ouais, l'un accélère des électrons, l'autre des positons, et on les fait se tirer dessus, ouais, tête bêche. Il faudrait aussi des distances considérables ou pas? Oui, il faut au moins 15 kilomètres. Ouais, c'est ça. On va revenir justement sur l'annonce de la découverte du boson de Higgs, événement que tout le monde a partagé, même ceux qui, comme beaucoup d'entre nous, n'y comprenaient rien, et c'était en 2012. Ce matin à Genève, le physicien Peter Higgs est accueilli en héros. Le boson qui porte son nom a sans doute été identifié et l'air de rien, il serait la clé de voûte de la structure fondamentale de toute la matière de l'univers. Je suis plutôt surpris. Je suis même très surpris qu'on ait trouvé ça de mon vivant. Parce que quand j'ai fait mon modèle, il y a plus de 40 ans, on ne savait pas du tout où chercher. Et le boson de Higgs, c'est donc d'abord l'histoire d'une longue traque, à 100 mètres sous terre, dans ses 27 kilomètres de tubes circulaires. Les scientifiques y ont fait se percuter des millions de fois des particules élémentaires, des protons, à des vitesses hallucinantes, avec un espoir dans les débris de la collision, apercevoir le fameux boson de Higgs. Ce serait enfin chose faite. Les scientifiques ont identifié une nouvelle particule. Le risque que ce ne soit pas lui est infime. Juillet 2012, Bruno Mansoulier, entre la découverte réelle du boson et l'annonce, donc au monde entier, il s'est écoulé combien de temps? Donc, tout dépend de ce qu'on appelle la découverte réelle, mais ça a été très vite, puisque les équipes de chacune des expériences, donc l'expérience Atlas d'un côté et l'expérience CMS de l'autre, travaillaient d'arrache-pied pour analyser les données le plus rapidement possible. Donc quand l'accélérateur fonctionne, les expériences engrangent des données. Bon, elles trient d'abord les collisions, parce qu'on est incapable d'enregistrer toutes les collisions. Donc il y a un premier tri qui est fait en ligne, ouais, et après on enregistre ça sur des supports magnétiques. Et là, les physiciens analysent ces données, avec plein de techniques statistiques, aussi intelligence artificielle, etc., pour essayer d'en extraire les caractéristiques, et en particulier de savoir si on avait vu des bosons de Higgs. Mais vous vous doutiez que vous alliez le trouver aussi rapidement que cela, ou pas? Alors ça, c'est une question un peu compliquée, puisque l'inconnu, c'était sa masse, en fait. La masse du boson de Higgs, le modèle disait absolument tout, sauf sa masse. Et suivant sa masse, les collisions qu'on avait à notre disposition en produisaient plus ou moins. Donc on cherchait sur toute la gamme de masse possible, c'est-à-dire depuis les dernières limites qui avaient été mises par le précédent accélérateur, le LEP, jusqu'à la limite théorique au-delà de laquelle le modèle aurait plus de sens. Donc on cherchait sur toute la gamme de masse. Et évidemment, suivant la masse réelle, les collisions qu'on avait vues, en aurait produit plus ou moins. Donc on a vu se construire le signal, c'est-à-dire on a vu quelques événements arriver petit à petit qui disaient « Ah, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça », jusqu'au moment où on était sûr au point de pouvoir le publier et de faire l'annonce officielle au CERN. Et quand vous avez été sûr, dans quel état émotionnel est-ce que vous étiez vraiment? Épuisé. C'est vrai, parce que vous avez bossé comme des fous. On a bossé comme des fous, oui. Mais c'est très très agréable dans une carrière de chercheur de travailler 18 heures, 20 heures par jour. Parce que là, vous assistez à un moment historique de l'histoire de la physique quand même. Il faut dire les choses tout simplement, mais c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Et on en a conscience, et puis il y a deux expériences, et il y a beaucoup de compétition. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne se dit rien, on est très amis, mais on ne se dit rien, et vraiment, on tient les secrets. Elle était où la deuxième expérience? C'est CMS qui est de l'autre côté de l'anneau par rapport à... Ah oui, c'est ça, sur le même anneau. Sur le même anneau. C'est comme j'explique souvent le LHC en disant que c'est comme le boulevard périphérique parisien. Ouais. C'est à peu près la même taille d'ailleurs, 27 kilomètres. Oui. Et en quatre points, vous échangez le périphérique intérieur et le périphérique extérieur. C'est ça. Voilà, et ça fait des collisions. Exactement. C'est ça. Aussi simple que ça. Avec de la compétition aussi entre physiciens, ce qui est un comble. Allez, plein de questions pour vous. La montée en puissance du LHC et le futur accélérateur. Pourquoi pas dans les cartons? C'est la suite de notre discussion et toujours des messages pour vous sur franceinter.fr. Le temps de partir dans l'Ohio avec Isabelle Adjani. Petit souvenir des années 80. Bon après-midi avec la tête au carré. J'approche peu à peu du Nevada. J'ai envie Ohio, c'était la voix d'Isabelle Adjani. On va au CERN en Suisse voir l'accélérateur de particules. Ça a demandé des décennies de planification et de travaux. C'est la Mecque pour les physiciens du monde entier. Je rêve d'aller voir de près le grand accélérateur depuis que j'ai l'âge de 9 ans. La tête au carré. Voilà, il est parfait cet extrait de Big Bang Theory parce qu'on a une question d'auditeur, Bruno Mansoulier, de Frédéric, qui demande si on peut visiter justement l'accélérateur de particules du CERN. Alors on peut visiter le CERN et on peut, en ce moment d'arrêt, on peut descendre dans les cavernes des expériences Atlas et CMS. Ah ça c'est génial. Bon, il faut bien se préparer, il faut s'inscrire sur des listes montant à l'avance, mais on peut le faire, oui. Donc on va sur le site du CERN Du CERN ou d'Atlas. Ouais. Pour Atlas, il faut aller sur le site de l'expérience Atlas, très facile, on Google Atlas, et le CMS, pareil. Et on prend un rendez-vous pour une on s'inscrit dans une visite organisée. Pour une aventure époustouflante. Et on profite de ces 2 années d'arrêt, justement, pour pouvoir rentrer là où ont lieu les collisions de particules, justement. Oui. On peut aller marcher là-dedans sans problème. On peut marcher à l'extérieur des détecteurs, mais ils sont ouverts parce qu'eux aussi sont en train d'être améliorés. Ouais. On profite des 2 années d'arrêt, évidemment, pour implémenter des améliorations. Mmh. Donc ils sont ouverts, donc c'est très intéressant. On peut voir vraiment, c'est extrêmement impressionnant. Bon, bah c'est vraiment un conseil qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent et qui passeraient par Genève. Allez réserver pour visiter le LHC. Vous ne le regretterez pas, c'est une expérience absolument unique en soi. Vous faites beaucoup de conférences, Bruno Mansoulier, à la rencontre du public, justement, pour expliquer ce qui se passe justement dans cet accélérateur. Quelle est l'une des questions qu'on vous pose le plus souvent au sujet du LHC ou du boson de Higgs? On pose des questions de tous ordres. Était-il possible qu'il n'y ait pas eu de boson de Higgs? Il était prédit et puis que vous ne le trouviez pas. Oui, très bonne question d'ailleurs. Ouais. En fait, absolument. C'était prévu? Dans les années, je me souviens plus très bien, mais 2000, un théoricien, je connais bien, un ami même, Christophe Grosjean, a sorti une théorie sans boson de Higgs, Higgsless theory, où tout le fonctionnement du modèle standard marchait, mais sans boson de Higgs, son rôle était remplacé par un arrangement spécial d'autres genres de particules. Ce que je veux dire par là, c'est que bien que la théorie de Brautengler-Higgs était extrêmement esthétique et très solide et déjà bien confirmée par des mesures annexes, on n'était quand même pas sûr qu'il y ait un boson de Higgs. On n'est jamais sûr. Il faut vraiment faire l'expérience. Il faut y aller voir et c'est pas facile. Donc ça vaut le coup. Je sais pas parce qu'on a une théorie qu'on va s'arrêter là et dire maintenant on y croit et voilà. Mmh. Non, la confirmation expérimentale, elle est à la fois difficile et absolument nécessaire. Et donc, bon, cet ami, il a fait même une certaine gloire à sortir un modèle qui n'avait pas de boson de Higgs. Ça a été contredit. L'expérience l'a contredit. Ouais. Mais son modèle est intéressant. C'est aussi un exercice théorique intéressant d'essayer de comprendre pourquoi ça marche comme ça, avec ou sans. Alors, Bruno Mansoulier, il nous reste peu de temps. J'ai 3 questions à vous poser, principalement les découvertes. Parce qu'on a découvert le boson de Higgs. Bon, et alors, après? Est-ce qu'il y a eu que ça? Alors, des découvertes vraiment spectaculaires, oui, j'en vois pas d'autres. Il y a énormément de mesures qui sont extrêmement importantes, puisque, comme je l'ai dit, il faut maintenant caractériser soit le boson de Higgs, soit les autres parties du modèle standard. Et un des buts, c'est de le mettre en défaut, c'est-à-dire de trouver une petite déviation sur une des mesures de précision qui permettrait de dire, ah, là, le modèle standard s'arrête, et voilà la piste vers les théories qui nous expliqueraient tout ce qu'on n'a pas compris dans l'univers, la matière noire, etc. On a plein de théories. Nos amis théoriciens ne sont pas avares de suggestions. On parle de supersymétrie, on parle de dimensions supplémentaires, comme on l'a déjà évoqué. Et donc, on aimerait bien trouver la piste qu'une de ces théories a une chance d'être valable. Alors, peut-être que pour cela, vous serez aidé par le nouveau LHC, évidemment, qui va monter en gamme la puissance, justement, des accélérations. On écoute juste un sujet d'Euronews, c'était en juin dernier. Un nouveau chapitre s'ouvre pour le CERN. Vendredi, un vaste chantier a été officiellement lancé pour accroître les capacités du LHC, le plus grand accélérateur de particules au monde. Enfoui à 100 mètres sous terre, le LHC sera doté d'ici 2026 d'un instrument à haute luminosité beaucoup plus performant. Les accélérateurs sont comme un microscope qui zoome sur une image, mais pour vraiment voir, j'ai aussi besoin de la lumière, sinon je ne peux pas voir. Le LHC à haute luminosité permet d'augmenter 10 fois cette lumière. Nous verrons ce que nous pourrons découvrir grâce à cela. Nous comprendrons peut-être l'origine de la différence entre la matière et l'antimatière, ou si le boson de Higgs était présent dans l'explosion initiale au moment du Big Bang. Près d'un milliard d'euros va être investi pour percer de nouvelles galeries souterraines et installer de grands aimants chargés de guider les faisceaux de particules. Les chercheurs espèrent pouvoir en découvrir de nouvelles et identifier des phénomènes physiques encore inconnus. Voilà, et on entendait la voix de Lucio Ross, le coordinateur donc du projet HLLHC. Donc c'est la montée en puissance de l'énergie, Bruno Mansouli. Pas l'énergie. Alors, malheureusement, le lâcher fonctionne déjà presque à son énergie maximale. On peut gagner un petit peu, mais très peu. Ce qu'on va augmenter, c'est son intensité, c'est-à-dire le nombre de collisions de protons qu'il peut fournir par seconde. Donc évidemment, qui dit plus de collisions, dit plus de chances de trouver un événement rare. Et évidemment, c'est dans les événements rares qu'on suppose que peut encore se cacher cette nouvelle physique qu'on espère tant. Et ce serait quoi l'événement rare absolu? Le Graal, pour vous, en tout cas, aujourd'hui? On a évoqué un micro-trou noir, un événement qui a produit une particule supersymétrique, par exemple. Alors, ça serait jamais un seul événement, mais si on en a vu un, en attendant un peu, on en verra d'autres. Et tout est statistique, donc en attendant. Et un signal non ambigu, c'est-à-dire qu'on arrive à isoler, à prouver que ces événements n'ont pas été produits par des processus standards, serait une immense découverte. Ouais. Et alors, augmenter l'accélérateur de particules sur une circonférence de 100 km, là, on pourrait rêver à quoi? Et c'est pas pour tout de suite, hein, c'est 2000 combien, si ça se fait, hein? Alors, il y a plusieurs phases dans le programme. La première phase, c'est justement un accélérateur circulaire à électrons, donc sur les 100 km, qui commencerait dans les années 2038. Et puis après, on mettrait des protons dans un accélérateur de protons dans le même tunnel. Et là, on parle de plus de 2060. Ouais. Alors là, effectivement, moi, ça me rend un peu triste parce que 2060, je ne verrai pas. Mais vous en avez vu déjà beaucoup. J'en ai déjà vu beaucoup, mais je pense qu'il faut quand même se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer cet agenda, ce déroulement dans le temps, parce que c'est un peu long, même pour un physicien jeune de nos jours. Oui, absolument. Et donc, il y a toute une génération qui est là et qui va porter, évidemment, ce projet. Et en attendant, le LHC, encore des choses à prouver largement. Très largement. Il se fait relifter, là, et donc ça va carburer au moment de sa réouverture. Donc, dans moins de 2 ans maintenant, c'est ça? C'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Bruno Mansoulier, d'avoir fait le voyage depuis le CERN pour venir nous parler d'accélération de particules. C'est toujours passionnant. Et puis, demain mardi, c'est un jour spécial. Nous serons le 5 février et ce sera le deuxième rendez-vous de notre conférence autour du cerveau. Et le sujet demain, ce sera l'attention et la concentration avec Lionel Nakache, d'autres invités exceptionnels. On aura un magicien, une funambule qui viendront nous parler justement de l'attention et de la concentration. Si vous souhaitez y participer, il y a forcément un cinéma près de chez vous, quelque part en France, qui peut vous accueillir pour suivre en direct la soirée depuis le studio 104 de la Maison de la Radio. Vous avez la liste sur franceinter.fr pour prendre vos billets. Attention, il reste très peu de place. C'est donc demain soir, 20h, conférence sur le cerveau. À demain, on l'espère. France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum Participation, Représentation, Information, hashtag le nouvel âge de la politique, algorithme et démocratie, fake news, concertation, philosophie des réseaux sociaux. Une journée de débat, mardi 19 février dès 9h30 dans le Grand Amphi de la Sorbonne à Paris. Inscription sur le site maisondelaradio.fr. France Culture, une radio de Radio France. Un homme de Radio France, Fabrice Drouel, Affaires Sensibles dans un instant. Bonjour Fabrice. Dans un autre. Bonjour Mathieu. La semaine commence avec quel sujet? Quand on vous parle de défaite française, vous pensez à Waterloo, 39-40, et aussi Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, printemps 1954. Déroute en Indochine, la France a perdu ce jour-là à la fois une bataille et la guerre. Ce sera dans un instant. Tous les détails sur cette histoire dans Affaires Sensibles. Merci à Gilles Gaillard qui était à la technique. Et sur France Inter, il est tout juste 15h.